Chapitre 2 La Madeleine. Le lendemain, Justine déjeuna rapidement, mit son plus beau tailleur et ses bottillons de cuir pour cet entretien professionnel qu'elle espérait voir se dérouler sans fausse note. Germaine, sa maman, lui souhaita bonne chance. Dès 8 heures, elle enfila son pardessus beige, quitta le modeste coron de ses parents, et après une demi-heure de marche dans les rues enneigées, elle rejoignit la grande place de Lille, où elle put s'engouffrer dans un tramway, en direction de la Madeleine. Son cœur battait la chamade à l'idée de rencontrer M. Courte, et surtout de devoir exposer toutes ses compétences techniques devant cet homme intransigeant. En effet, la veille, Michel avait prévenu Justine que M. Courte, derrière son aspect sympathique et courtois, était une personne inflexible, dure, autoritaire et rigide. Dans les brumes matinales, le tram avait du mal à avancer et faisait plus office de chasse-neige que de moyen de transport. La lenteur de sa cadence exaspérait Justine, qui s'imaginait ne jamais pouvoir arriver en temps et en heure à son rendez-vous. Enfin, après 20 minutes d'un parcours chaotique à être brinque-ballé en tous sens par la rame, elle sonna pour signaler au chauffeur son arrêt à la station Jardin Botanique, qui se trouvait à 2 pas de la rue François de Batz. Elle ne mit pas longtemps à découvrir le grand immeuble dans lequel se trouvait le bureau de M. Courte. En effet, devant ce très haut bâtiment de 4 étages, à la façade de briques jaunes construite dans un style art déco, se trouvaient garées quelques tractions avant noires de marque Citroën. Justine emprunta le trottoir de cette étroite rue calme, sans circulation, qui avait été déneigée et sablée, et débouchait directement sur le grand boulevard menant à Roubaix-Tourcoing par le Croisé-la-Roche. Au premier abord, et tout en s'approchant de l'immeuble, elle essaya d'imaginer la fonction de M. Courte. De nombreuses professions lui vinrent à l'esprit, agent d'assurance, concessionnaire automobile, huissier de justice, grand patron d'industrie, docteur. Plus elle y pensait, plus l'angoisse lui nouait la gorge et accélérait son rythme cardiaque. Enfin, elle s'approcha de l'imposante porte vitrée au bâti de fer forgé, décorée d'étranges rectangles, et essaya de trouver la bonne sonnette parmi les dizaines de boutons. Elle sonna au bureau numéro 3 comme indiqué sur la carte de visite. 5 minutes après, la lourde porte s'ouvrit, et Justine vit apparaître devant elle une élégante jeune femme d'une 20aine d'années, accoutrée d'un austère tailleur gris ressemblant à un uniforme. Celle-ci avait un accent du Nord bien marqué et s'adressa à Justine d'une manière assez franche et directe. « Bonjour, mademoiselle, à qui ai-je affaire? Que voulez-vous? » « Je viens rencontrer M. Courte Coles. » Étonnée, la jeune femme esquissa un sourire ironique. « Courte Coles, vous en êtes sûr? Pourquoi voulez-vous le rencontrer? » « C'est à propos d'une offre d'emploi. Il a dit à mon frère que je pouvais le voir pour un entretien sans rendez-vous. » « Sans rendez-vous. On n'est pas ici chez le coiffeur, chère demoiselle. Cela m'étonne. Attendez, je vais voir son agenda, et surtout si M. Coles peut vous recevoir. » Justine était littéralement frigorifiée à devoir attendre devant l'immeuble. Elle fut surprise qu'aucune indication ou plaque professionnelle ne signale la présence d'une entreprise sur la devanture de cette austère et élégante bâtisse. Au bout de quelques secondes, la jeune employée revint, et, tout sourire aux lèvres, invita Justine à pénétrer dans le hall d'entrée, entièrement parée de plaques de marbre. Elle fut invitée à s'asseoir sur une des chaises métalliques d'une étroite salle d'attente vide qui ressemblait à celle d'un dentiste. Du reste, elle ressentait la même appréhension que chez ses arracheurs de dents, ses charcutiers de mâchoires, comme elle les appelait. Son corps tremblait non plus de froid, mais à l'idée de devoir rencontrer cet improbable et mystérieux inconnu que son frère Michel lui avait vivement recommandé. Elle eut soudainement envie de faire demi-tour afin de rentrer chez elle. Mais il était trop tard. La jeune secrétaire l'invita expressément à la suivre en empruntant le grand escalier qui permettait d'accéder à tous les étages. Au deuxième, elle s'arrêta devant une imposante porte de chêne vernissée et attendit qu'une petite ampoule verte lui indique l'autorisation d'entrer. Elle franchit un sas permettant d'ouvrir une seconde porte capitonnée, et dans la pénombre vit apparaître la silhouette d'un homme de grande taille, aux cheveux courts, en costume-cravate, un cigare au bord des lèvres. Une voix grave à l'accent allemand l'interpella aussitôt. Bonjour, mademoiselle Denecker. Je vous attendais avec impatience. Entrez et asseyez-vous, chère Justine. Quant à vous, Marie Gérard, merci. Vous pouvez nous laisser. La jeune secrétaire s'éclipsa sur le champ. Justine s'installa sur une étroite chaise métallique qui était placée devant un énorme et imposant bureau de bois sur lequel se trouvaient des piles de dossiers. « Ah, voilà, nous sommes bien dans le cabinet d'un juge d'instruction, votre honneur. »« Silence, mademoiselle Denecker, un peu de sérieux. Ici, vous êtes dans mon bureau. Il n'y a qu'une seule personne qui pose des questions, c'est moi. »« Oh, excusez-moi, monsieur Coles. » »« Appelez-moi monsieur Courte, c'est plus simple ainsi. Je connais déjà bien votre frère, c'est un sacré champion de jeu de dés. Chère Justine, je vais vous dire où vous êtes et qui je suis exactement. » Vous êtes au cœur des bureaux de la police, non pas française, mais allemande. Du reste, je suis fier de dire que nous sommes beaucoup plus compétents qu'eux. En ma qualité d'inspecteur, je suis responsable de ce service depuis un an, et nous recherchons actuellement une personne comme vous, c'est-à-dire discrète, polie, bien sous tout rapport, qui est bilingue, et surtout ayant eu une formation de sténodactylo. En quoi consistera mon travail ? Avant de vous parler de vos tâches quotidiennes au sein de nos services, mademoiselle Denecker, vous serez prise à l'essai pour une période de 6 semaines, où vous devrez faire vos preuves en ayant une conduite exemplaire, et surtout obéir à votre supérieur hiérarchique, à savoir moi-même. En même temps que votre premier contrat à durée déterminée, vous signerez dès aujourd'hui un serment de confidentialité avec les autorités allemandes que je représente. Vous serez tenu au secret professionnel face aux renseignements et rapports que vous devrez taper chaque jour. Vous serez soumise à un devoir de réserve et ne parlerez à personne de vos activités au sein de la ZIPO-SD. Si tout va bien, dans quelques semaines, vous signerez alors votre contrat définitif à durée indéterminée en faisant bien sûr allégeance au Troisième Reich. C'est l'ultime condition pour travailler chez nous, mademoiselle. C'est clair, chère Justine ? Oui, monsieur Coles. Je ne vous ferai pas la visite du bâtiment, car certaines parties ne vous concernent pas en premier lieu, et je vous décrirai ultérieurement l'organisation au sein de nos services et vous montrerai l'endroit exact où vous travaillerez. Vous serez dès aujourd'hui et durant toute la durée de votre premier contrat affecté au bureau du rez-de-chaussée. Il s'agit tout simplement de l'accueil. C'est le service numéro 1 s'occupant principalement des affaires juridiques, dénommé Kriminalpolizei, qui permet de recevoir les plaintes courantes pour vol, dégradation, nuisances sonores, sabotage, vandalisme, trafics en tout genre, et principalement le marché noir très florissant dans la région. Vous dépouillerez toute la journée les lettres de bons Français qui dénoncent les exactions faites par leurs voisins ou par des ennemis de la France, permettant à nos hommes d'enquêter rapidement et efficacement. Vous taperez des rapports suite à des enquêtes permettant de préparer des arrestations de suspects, de criminels, de truands, de résistants, de saboteurs. Vous serez donc affecté au service de nos opérations extérieures, qui comportent 6 agents mobiles. Pour l'instant, vous serez cantonné uniquement au rez-de-chaussée, et à partir de maintenant, vous avez l'interdiction formelle d'accéder aux autres étages du bâtiment ainsi qu'aux caves. Vous serez guidé dans vos tâches administratives par Marie-Gérard Verbrugge, mon assistante, que vous venez de rencontrer. C'est elle qui sera votre tutrice. Après notre entretien, nous descendrons ensemble afin que je vous montre votre espace de travail. Vous commencerez dès aujourd'hui. Vous travaillerez tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, de 8h à 16h, avec une pause déjeuner de 30 minutes. Vous apporterez un casse-croûte, car ici personne ne sort pour déjeuner. C'est tout bonnement pour des questions de sécurité. Dans quelques mois, vous aurez progressé. Vous pourrez travailler avec nous en soirée et parfois la nuit. Grâce à cela, vous aurez de belles primes. Vous verrez qu'avec le temps, vous gravirez les échelons ainsi que nos étages pour y travailler et assister à nos interrogatoires. Vous allez voir, chère Justine, ici il y a une bonne ambiance. Nous sommes comme une grande famille. Et parfois, nous travaillons même en musique. Ne vous inquiétez pas pour le surplus de travail qui pourra quelquefois empiéter sur votre vie privée. Ce seront des heures supplémentaires bien rémunérées, je vous assure. Vous serez confortablement installé face à Marie Gérard, qui me fera un rapport quotidien sur votre conduite et la qualité de votre travail. Vous avez des questions à me poser, chère Justine ? Non, monsieur Coles. Très bien. À présent, descendons afin de retrouver Marie Gérard, votre nouvelle collègue, qui, vous le verrez, est très sympathique. Justine suivit Kurt Coles, le chef de la Gestapo, afin de découvrir son lieu de travail. Marie Gérard. Bienvenue dans notre service, mademoiselle Denecker. Voici votre nouvel outil de travail. Oui, ici, par respect, tout le monde se vous voit. La secrétaire lui montra une grosse machine à écrire de marque Juvel en provenance de Berlin. C'est avec ce nouveau matériel que nous tapons nos documents administratifs, et je remercie M. Kolz de nous mettre à disposition des instruments de travail si formidables et adaptés à nos tâches quotidiennes. Kurt Kolz esquissa un grand sourire, et Justine remarqua très vite la complicité très ambiguë et surtout le type de relation qui unissait Marie Gérard à son patron. Courte, trêve de plaisanterie, au travail, mesdemoiselles. Et vous, Justine, j'attends de vous un plein engagement dans le travail et votre entier dévouement pour le Reich. Justine baissa la tête pour signifier sa soumission à M. Kolz et se mit de suite à taper des rapports d'après les premières notes manuscrites que lui avait transmises Marie Gérard. Cette dernière lui expliqua qu'en termes d'organisation, le service numéro 2, situé au premier étage, était le bureau des affaires juives et du contrôle des étrangers, que le service numéro 3 qu'elle venait de quitter était celui de Kurt Kolz, au deuxième étage, qu'il ne fallait jamais déranger. En effet, dans son bureau, ce dernier procédait lui-même aux premiers interrogatoires des suspects confinés au quatrième et cinquième étage, dans des chambres d'appartements réquisitionnées, transformées en cellules. Marie Gérard rassura de suite Justine que celle-ci n'assisterait jamais aux interrogatoires et n'aurait aucun contact avec des prisonniers. En fin d'après-midi, et après avoir tapé à la machine une cinquantaine de courriers, particulièrement des rapports de délation qui aboutiraient très certainement à des arrestations dont elle était peu fière, Justine put rejoindre la maison de ses parents qui l'attendaient avec impatience. Elle était embarrassée par le fait de devoir travailler malgré elle pour les autorités allemandes, et particulièrement la Gestapo. Elle se sentait sale à l'idée d'être obligée de collaborer avec l'ennemi. Justine était surtout furieuse que son frère Michel l'ait poussée dans ce piège à rang. Impossible pour elle d'annoncer à ses parents sa nouvelle activité. Elle était pour la première fois obligée de leur mentir. Justine en était malade et surtout honteuse de son nouvel emploi, contraint et forcé. Germaine. Alors, Justine, comment s'est passée cette première journée de travail ? Oh, très bien, maman. C'est un emploi purement administratif, précisément dans mes cordes. Qui est ton nouvel employeur et que fais-tu exactement ? Justine fut embarrassée par cette question et dut garder son sang-froid devant sa mère, curieuse de nature, afin de ne pas éveiller chez elle des soupçons. Je travaille pour un service dépendant directement de la préfecture. Ah bon, quelle chance tu as ! Toi qui prépares justement le concours des services préfectoraux, en plein dans le mille, mieux que les 421 de ton frère. Justine ne répondit pas à sa mère et ne s'éternisa pas plus sur cette conversation concernant ce premier emploi. Elle avait surtout envie d'avoir quelques explications et des réponses de son frère. Elle avait vraiment l'impression d'avoir été trahie par lui. Le lendemain matin, alors que Michel rentra de son travail vers 9 heures, Justine profita que sa mère soit au marché de Washeim pour interpeller son frère. « Hé, Michel, tu me dois absolument des explications concernant l'offre d'emploi que tu m'as proposée. Tu es devenu fou ?» Michel détourna son regard et tout penaud s'esquiva en fuyant dans sa chambre. Furieuse, Justine le rejoignit et bloqua la porte de son pied. « Hé, Michel, viens tout de suite ici, explique-moi ce qui se passe. » Comment as-tu pu me faire un sale coup pareil ? Tu te rends compte dans quel beau drap tu nous as mis ? Michel, tête baissée, comme un gamin fautif, répondit « Oui, Justine, je ne pouvais pas faire autrement. Kurt Kolz savait que j'avais une sœur qui cherchait du boulot. Il m'a mis la pression et m'a imposé ce rendez-vous. Tu sais dans quelle situation je suis maintenant ? Ma vie est en danger à cause de toi. Travailler pour les Boches, c'est être à la merci de n'importe quel résistant qui peut à tout moment me flinguer dans la rue. Sans compter la réputation que je vais avoir dans le quartier, si quelqu'un le sait. On sera la risée de tous, et tout le monde se méfiera de moi en me tournant le dos. J'imagine également la réputation de notre famille, qui sera définitivement entachée. Tu imagines les collègues de papa à la boulangerie industrielle ? Ils vont lui cracher au visage ou lui mettre la tête dans le four s'ils savent que sa fille travaille pour la Gestapo. » Oui, tout ça je le sais, Justine. Dans cette affaire, on s'est fait piéger tous les deux. On ne peut plus faire marche arrière, sinon c'est notre fin qui est annoncée, et Kurt ne nous fera pas de cadeau. Nous sommes pieds et poings liés. Mais qu'est-ce qui t'a pris de jouer avec un inconnu ? Tu ne pouvais pas faire une partie de 4-21 uniquement avec ta bande de copains ?» C'est lui qui s'est présenté et m'a interpellé en insistant pour jouer avec moi. On ne peut rien y faire, Justine, c'est la fatalité qui a voulu cela. On ne peut pas contrer le cours de notre destin. Justine réagit violemment. Quel destin ? Tu parles d'un destin ? Si c'est pour finir au trou ou être déporté en Pologne, alors je ne parlerai pas de destin, mais plutôt de fatalité. Grâce à toi, à ton foutu destin, on finira plutôt par être torturé ou avec une balle dans la tête. Chut, Justine, calme-toi et fais moins de bruit. Surtout, n'en parle pas aux parents et à quiconque autour de toi. Justine se mit à pleurer et étreignit son frère en le serrant fortement dans ses bras. Tu sais que je tiens à toi, Michel. Il faut dire que nous nous sommes fait piéger et je sais que tu n'y es pour rien. Finalement, je ne t'en veux pas, mon cher frère. On se débrouillera comme on peut. Par contre, si je ne fais pas allégeance aux nazis, je serai arrêté ou déporté. Avec ces gens-là, et surtout Kolz, je ne peux pas me permettre de faire une seule faute ou les trahir. Oui, je comprends, Justine. Moi aussi, je suis tenu à la laisse, comme un chien, et sous l'emprise de Kolz, qui m'a dans son viseur. Il risque de revenir pour jouer avec moi dans le sens littéral comme dans le sens figuré. Michel sortit de la chambre de Justine, satisfait d'avoir réglé avec elle ce problème qui l'accablait tant depuis quelques jours. Quant à Justine, elle s'allongea sur son lit, tout en écoutant le flot de messages de la BBC qui émanait en continu du gros poste à galène de marque Ducretet-Thompson que son père lui avait acheté à crédit pour son Noël. Michel était toujours aussi surpris par cette passion qu'entretenait régulièrement Justine pour les ondes et fréquences diffusées d'outre-Manche. Le lendemain matin, elle reprit le Mongy pour rejoindre son poste. Elle arriva devant le grand portail qui donnait sur une cour fermée et salua deux agents de la ZIPO-SD qui la regardèrent avec insistance et de manière malsaine, tout en fumant leurs cigarettes roulées. Curieusement, à l'approche de cet immeuble, les passants méfiants changeaient de trottoir. Marie-Gérard Verbrugge était déjà à son poste, en train de taper du courrier, quand celle-ci désigna de l'index à Justine une pile de notes manuscrites rédigées par coup de colle sans personne, suite à un interrogatoire qui avait duré toute la nuit. Sans dire un mot, elle se mit de suite au travail et commença à transcrire à la machine de manière officielle des notes manuscrites, parfois illisibles, que Kolz avait rapidement et nerveusement rédigées sur des feuilles de carnet d'écolier, parfois tachées de sang. Tout en gardant une certaine distance avec chaque document qu'elle saisissait du bout des doigts, elle évitait d'imaginer les scènes de violence et les interrogatoires musclés qui avaient permis à Kolz et à ses sbires de soutirer quelques aveux et informations capitales sur les réseaux de résistance et les planques de partisans. Ce qu'elle ne supportait plus, c'était cette valse de Brahms opus 39, numéro 1, qui était diffusée dans tous les étages, à certains moments de la journée, par des haut-parleurs, qui venaient couvrir toute conversation ou bruit. Chaque jour, c'était la même rengaine, et Justine interrogea Marie-Gérard pour connaître la raison de cette diffusion sonore dans tout le bâtiment. Cette dernière lui répondait que c'était un caprice musical de Kurt, qui adorait la musique classique et particulièrement ce pianiste allemand d'un autre temps. Justine remarqua que cette mélodie était diffusée tous les jours entre 11h et 13h, ainsi qu'en fin d'après-midi. Très vite, elle se rendit compte du lien étroit qui existait entre l'arrivée de certains convois de prisonniers dans la cour encombrée de camionnettes qu'elle apercevait par l'unique fenêtre du bureau et cette valse. Quelque temps après, elle constata que Kurt se foutait éperdument de Brahms et que cette musique servait tout simplement à couvrir les râles et hurlements des personnes torturées à la cave ou au troisième et quatrième étage de l'immeuble. Même en rentrant chez ses parents le soir, elle continuait à entendre cette lancinante et entêtante valse qui parfois accompagnait même ses nuits. Associer Brahms à la torture était du cynisme ou de la perversion. Et Justine ne pouvait plus écouter ses compositions classiques sans penser à tous ces pauvres gens qui étaient passés entre les mains de Kolz et avaient parfois succombé à leurs blessures en musique. Avec le temps et en toute confiance, Marie-Gérard s'était peu à peu confiée à Justine, lui expliquant naïvement, d'un ton léger et en toute insouciance, les moyens et la manière dont Kolz procédait pour obtenir des aveux. En effet, dans la cave de l'immeuble de la rue François de Batz, il y avait bien quelques cellules donnant sur une étroite pièce sombre dans laquelle était installée une baignoire le long du mur qui servait non pas à faire sa toilette mais à plonger dans l'eau glacée la tête des détenus récalcitrants à la limite de la noyade. Sans réponse de leur part, Coles utilisait également un nerf de bœuf ou une matraque électrique venant foudroyer la colonne vertébrale de ces malheureux qui, bien souvent, avouaient sous le coup de la douleur ou succombaient à ces tortures. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Coles allait fumer sereinement dans la cour une cigarette avec Marie Gérard afin de parler de son dernier week-end en forêt avec son chien et surtout de ses nombreuses conquêtes féminines dans la région lilloise. Un jour, Michel Denecker, le frère de Justine, qui lors d'une journée de congé était resté seul dans la maison familiale, avait remarqué dans la chambre de sa sœur un petit carnet rose qui l'intrigua. En toute curiosité, il se permit de l'ouvrir et à sa plus grande stupéfaction, il constata que sa sœur notait systématiquement tous les soirs les séries de messages émanant de Radio Londres qu'elle écoutait avec insistance. Pourquoi faisait-elle cela? Quel était son intérêt? Ce n'était certainement pas un travail supplémentaire sous les ordres de Coles, se disait Michel, car Justine s'intéressait déjà à ces multitudes de messages des plus énigmatiques, bien avant son embauche à l'asile OSD de la Madeleine. C'était pour lui un véritable mystère qu'il souhaitait résoudre sans inquiéter sa sœur. Il remarqua qu'en guise de marque-page, un petit papier déchiré servait de support à une étrange annotation. Justine avait écrit une phrase inexplicable et incompréhensible. Il était noté ceci : le divin marquis a laissé entrer l'infortune en sa demeure et la vertu dans son jardin. À quoi pouvait correspondre ce message des plus bizarres ? Afin de résoudre cette énigme, Michel prit dans un des tiroirs du vieux buffet de la cuisine un gros dictionnaire Larousse, que Germaine, sa maman, avait reçu en récompense après avoir obtenu brillamment son certificat d'études à l'âge de 11 ans. Il rechercha la lettre M comme marquis, et à la fin de la définition, il trouva la locution suivante, le divin marquis Sade. Michel n'avait jamais entendu parler de Sade. Qui était ce Sade? Un artiste? Un musicien? Un homme politique? Un scientifique? Un philosophe? Pourquoi Justine avait-elle écrit ce qualificatif si peu commun? Michel décida de se rendre en toute discrétion à la bibliothèque municipale de Lille pour obtenir des réponses. Il pourrait ainsi questionner sur place une bibliothécaire sur l'identité exacte de ce Sade, le soi-disant divin marquis. Après une demi-heure de marche dans les rues enneigées, Michel poussa l'imposant portail de la bibliothèque municipale de Lille et se présenta à l'accueil. Derrière un étroit comptoir, une austère vieille dame au chignon grisonnant était en train de lire un roman. Elle était totalement immergée dans sa lecture et ne remarqua même pas la présence de Michel. Au bout de quelques secondes, ce dernier fit semblant de tousser afin d'éveiller son attention. « S'il vous plaît, madame, puis-je avoir un renseignement ?» La bibliothécaire leva la tête et put enfin s'extraire de son bouquin. « Bonjour, jeune homme, puis-je vous être utile ?» Michel. « Oui, je recherche des renseignements concernant un auteur que je ne connais absolument pas. » La bibliothécaire. « Quel est son nom ?»« Il s'agit d'un certain Sade. » Étonnée, la vieille dame esquissa un sourire ironique. « Ah, le divin marquis, jeune homme, vous avez de bien curieuses et coquines références. Malgré le fait que vous êtes majeur, je ne peux pas vous montrer les quelques livres de cet écrivain que nous possédons dans notre enfer. C'est strictement interdit. Pour cela, je peux être licencié pour faute grave. » « Curieuse référence, l'enfer? Pourquoi cette interdiction? De qui s'agit-il exactement ?» Il s'agit de Donatien Alphonse François de Sade. C'est un sulfureux écrivain du XVIIIe siècle, dont les ouvrages sont censurés et interdits à la diffusion, que nous conservons précieusement dans notre enfer, c'est-à-dire une réserve de livres plus ou moins scandaleux. À cause de quoi? Tout simplement par leur caractère à la fois érotique et cruel. Je tiens à vous rappeler tout de même que ce sont les livres de Sade qui ont donné le mot « sadisme ». Nous possédons les principaux titres de cet auteur dans leur version originale, rééditée clandestinement en 1931, mais toujours interdits en France. Je ne peux donc pas vous les montrer, jeune homme. Ce n'est rien, madame. Je voulais tout simplement savoir qui était ce personnage. Pourriez-vous tout de même me donner quelques titres correspondant aux ouvrages de Sade? Oui, pas de problème, si cela vous amuse. Vous verrez que les titres sont très évocateurs et renvoient bien entendu à leur contenu. La vieille bibliothécaire se leva et alla directement vers un meuble de chêne clair contenant des milliers de fiches cartonnées classées dans de petits tiroirs. À la lettre S, elle sortit les fiches de ce scandaleux écrivain. « Voici, jeune homme, je vous cite les titres des 5 ouvrages que nous possédons. Vous verrez que certains d'entre eux sont très explicites. Les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage. Histoire secrète d'Isabelle de Bavière. Historiettes, contes et fabliaux. La philosophie dans le boudoir. Justine ou les infortunes de la vertu. » Michel se figea soudainement à l'écoute du dernier titre cité par la vieille bibliothécaire. Elle nommait, sans le savoir, le prénom de sa sœur Justine à travers le titre d'un ouvrage de Sade. C'était très étonnant. Stupéfait par cette découverte littéraire, et surtout par ce titre qui renvoyait au message que sa sœur avait curieusement indiqué dans son petit carnet, Michel remercia la vieille dame et repartit vers la demeure de ses parents, dans le quartier de Vazem. Toute la nuit, il cogita à propos de ce mystérieux message de Radio Londres. Le divin marquis a laissé entrer l'infortune en sa demeure et la vertu dans son jardin. Michel avait enfin compris que ces phrases récitées chaque nuit par le journaliste de Radio Londres étaient très certainement des messages codés à destination de la résistance qu'il fallait absolument déchiffrer. Mais pourquoi sa sœur Justine écoutait-elle consciencieusement chaque message ? Pourquoi avait-elle noté celui-ci en particulier dans son carnet ? Cette phrase la concernait-elle ? Michel eut une forme de révélation. Il avait enfin la réponse à toutes ses questions à travers cet unique message, et surtout par les éclairages intellectuels de la bibliothécaire. Il fut pris d'angoisse à l'idée d'avoir déchiffré ce langage codé qui concernait directement sa sœur dans un bref communiqué de Radio Londres. Il avait enfin compris le rôle important qu'elle jouait derrière ces airs naïfs de jeune fille bien rangée et polie. Et si le divin marquis, sous l'identité de Sade, correspondait à un être cruel et sadique, pouvait tout simplement désigner Kurt Kohls. Et si, sans le savoir, ce dernier avait laissé entrer en sa demeure, c'est-à-dire la Gestapo, l'infortune, qui, selon le titre du dernier ouvrage de Sade cité par la vieille bibliothécaire, correspondait bien à Justine. Michel eut enfin la réponse. Justine appartenait très certainement à un réseau de partisans qui, par une simple recherche d'emploi, l'avait introduite au sein de la Gestapo pour piéger Kohls et obtenir un maximum de renseignements. Justine avait très certainement été missionnée pour faire l'infortune de Kurt Kohls et le faire tomber. Michel fut soudainement fou de rage à l'idée d'avoir été dupé par sa propre sœur et en quelque sorte doublé, manipulé, utilisé. Il avait l'impression de recevoir le ciel sur la tête. À son tour, il se sentait trahi par sa propre sœur. Même Jean, le sympathique patron du café, le Gaspard, était très certainement dans le coup, ses collègues cheminots également. Tout ce petit monde lié à la résistance avait échafaudé un plan afin de guider Kurt Kohls dans ce bistrot qui était une sorte de piège à nazis, en attirant son attention sur les extraordinaires parties de 4-21 conduites avec brio par Michel, qui servaient d'appât à son insu. La fausse recherche d'emploi de Justine n'était en fait qu'un prétexte pour que celle-ci puisse se faire recruter par les Allemands afin de servir de cheval de Troie au sein de la Gestapo. Michel n'en croyait pas ses yeux. Sa sœur était une sorte de Mata Hari, d'héroïne de la résistance qui s'était engagée à accomplir volontairement des actions de renseignement contre l'occupant. D'un seul coup, il se sentait fier de l'engagement de Justine dans le combat clandestin contre l'ennemi. Michel fut tout de même pris d'angoisse à l'idée des risques inouïs qu'elle prenait chaque jour au service d'une cause certes juste, mais qui pouvait à tout moment l'envoyer devant un peloton d'exécution. En fin d'après-midi, il attendit que celle-ci rentre de son travail à la Zippo SD, la regarda avec fierté et lui renvoya un sourire qui en disait long sur la nouvelle image qu'il avait d'elle. Il s'était promis de ne rien lui dire à propos de cette découverte et surtout de garder à jamais ce secret. La mission quotidienne de Justine était de plus en plus insupportable au sein des services de Kurt Kohls, qui, de semaine en semaine, lui mettait une pression supplémentaire en la submergeant de dossiers à traiter, pendant qu'il passait du bon temps dans son bureau avec Marie Gérard. Tous les jours, elle voyait passer de plus en plus de suspects qui gravissaient en toute insouciance les escaliers, en musique, sans connaître le sort qui leur était finalement réservé aux étages supérieurs. La brutalité des enquêteurs de la criminelle Polizei l'avait profondément choquée, au point qu'elle-même se sentait épiée durant le temps passé derrière sa machine à écrire, en sa qualité de commis en écriture. Elle s'attendait à connaître un jour le même sort. Elle ne pouvait pas éveiller un seul instant le moindre soupçon de la part de ses collègues qui agissaient sous l'emprise d'un système bureaucratique aveugle à toute humanité et entièrement voué à un régime despotique et totalitaire. Pour Kurt Kohls, tout le monde était censé être coupable, ou du moins suspect, dans ses agissements, même au travail. Quotidiennement, il encourageait ses employés à se surveiller mutuellement et parfois à dénoncer le moindre écart d'un collègue, la moindre erreur ou attitude douteuse et suspecte. Dans ce système de surveillance permanente orchestré par l'Abwehr, il était impossible que Justine puisse se permettre de fouiller le moindre dossier ou tiroir afin de soutirer quelques renseignements capitaux pour son réseau de résistance nommé Alliance. Comme pour la préparation de ses concours, elle mémorisait le maximum d'informations qu'elle voyait passer sous ses yeux à travers les documents administratifs allemands qu'elle recopiait à la machine. Ensuite, le soir, dans sa chambre, elle les retranscrivait manuellement sur de minuscules papiers à cigarettes qu'elle roulait comme de vulgaires clopes afin de les transmettre à Marie-Madeleine Méric, dit le Hérisson, la chef de cet important réseau. Tous les dimanches matins, elle prétendait faire des courses au marché de Vazem, mais rejoignait en toute discrétion un bistrot de coulonneux, c'est-à-dire un cercle colombophile situé dans le quartier de Fives, qui envoyait régulièrement ses informations par des pigeons voyageurs à d'autres résistants à travers la France. Ainsi, Justine avait acquis une certaine réputation dans cette transmission informelle de renseignements. En sa qualité d'agent de liaison, les partisans de son propre réseau l'avaient même surnommée la fouine, tant son efficacité à dénicher d'importantes instructions allemandes était sans pareil. C'est du reste ce qu'elle fit une fois de plus en ce mois de mars 1941. Elle attendit que sa collègue Marie Gérard s'éclipse deux étages au-dessus, comme à son habitude, dans le bureau de Kurt Kohls, pour se permettre d'ouvrir un énigmatique dossier cartonné recouvert d'un aigle métallique sur un tissu noir qui était placé à 1 mètre d'elle. Elle n'avait qu'à se pencher sans se déplacer pour glaner des informations sur les premières pages. Quelle ne fut pas sa surprise de voir sur le premier rapport un ordre d'arrestation signé de la main de Kohls concernant sa propre cousine habitant Tourcoing. En effet, il était bien indiqué le jour, la date, l'heure exacte de cette mission, ainsi que les prénoms et noms de famille d'un couple, Hubert et Claire Delbar. Elle n'en croyait pas ses yeux. En sa qualité de résistante, Justine n'était pas au courant de l'appartenance de sa propre cousine Claire à un réseau franco-belge de partisans dénommé Ali France, basé à Vatrelot et Roubaix.